Tieni maître Ligo papa na Nike Oyo ka bien le cas c'est mon tout qui te Sur le ngaya la maintenance bana bundes Motema e posu wangai Ona kolela kayo Ligo Jenye Gas kapo mouvi ki boukoul Zoto e kole ngangai Ona kopanza kayo Maître Ligo Jules Membe, Patrick Nzoiba. Maho anji ebisa na ligo Po a eba o Motino na linga kaye Na mote maho Jules Guilin, Antosha Plus Amala Takala Jani mukoko ebisa na ligo Po a eba o Motino na linga kaye Na mote maho Mami Mudianda Muyayu Dalana Kofano Zoto Upona Pukani Sakayo Tango Nyoso Mama Naputu Pemo Ikole Lakayo Songe Lakata Nandoto Ligo Jenye Zakari Bababas Er Moro Polemiki de la Ranagou Ramelina Boulambe Maman Amigé Mami Lodam Yassine Moukout Kim Mbata Adjani de Switzerland Dalana Kofano Zoto Bona Bukani Sakayo Tango Nyoso Mama Na Moutou Pemo Ikole Lakayo Zongela Bata Na Toto Ligo Jenye Dokta Landana Boye pona nini ligo jenye Na pesyo maso lingaki Kaso zongi selinga bolingo na yombe Patilo kondo, Alain Kisora Na pokachwa Pasa ye matale la bali kambo Igwa pomi koki ma bolingo na Lilo bwes, Alain Matambo Willy Ilunga fule lukisu Je sais mon sol. Stino Kazan. Bolingo bato sala na mokili. Suka suka mindondo poninyo. Chier Somba et Dingo ma fiston tango. Bapesa nga vinaigre na posa ya ma. Na posa ya mayo. Bapesa nga irina na posa ya bière. De bleu qui nang. Na meki na loba mpene bakata nga lo lemo. La bamba oza kuyoka. Bapesa mokongo mwana mando atya nga. Et du bon boulot. Nzambe sunga nga yonde kolo nanga. Na salango ninyo obe bakal. Yo pichu mulumbo be bakal. Da ho da ho bankala ye. Biroje ma chebiche. Lo chiko go de mutu. On a blessé pour le notre père qui a lancé. Alba Bombito, aux autres papiers, rien à dire. Ça me fait saluper, maman. N'a que 9 ans. Ça vous a moqué, je n'en ai moqué la qui a moqué. Rigue! Ma bamba n'y est, ce point-là. Ma bamba n'y est, ma qui s'en m'a été dans mon caca. Taïa Mikoulou. Ça l'offre à qui? Après, ouais, de ses lignes. Les inomoles. Projecteur. Ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Josaïna, Kotnanga, confection Zawadi, Camille dit mon équipe vieux dimanche. Isokanye ba, ni moko miko kite dakati ki kalolo manatoye. Hey, halabi faka kadiko. Na kulwa wali abimalo kake inyana Kante sa sop na gaku t'ave raison Shiba te fin tchoko yeke yeke Kabla den koro Jacques Tire na Montréal Bolingo Esale makoye pona nini ligo jenye Tonton zola meso ne oton Na pesyo maso linga ki Kaso zongi selinga bolingo na yote Serafin Banza animant de Kaseya Na pokachwa Jean-Pierre Mali Batale la Mali Kambo Iba komi koki ma bolingo Papi Kusombi prix Nobel Daniel Mwanantema, le grand pharaon, je m'en Marie, États-Unis.